Chapitre 22e. L'enquête paraissait bouclée. L'assassin d'Anzilouti et d'Anna avait passé l'arme à gauche et ne relevait plus de la justice. Les prélèvements effectués dans le véhicule de Canepparo révélèrent que Pedicini était bien monté dedans et s'était dissimulé dans le vaste coffre arrière. Après reconstitution, il apparut que le coup de feu de Pronzatti était tout à fait compréhensible et le procureur décida de ne pas le poursuivre pour cela. Michaud, mis au courant par Boulpi, dit que, pour sa part, l'affaire était aussi pliée. Perret se remit doucement dans les 2 jours qui suivirent et s'occupa de Djedjiga dont l'opération s'était déroulée normalement. C'est tout ce qu'on pouvait en dire pour le moment. Le 3e jour, Boulpi arrêta Perret chez elle. Il désirait la voir assez rapidement. « Je ne peux rien vous expliquer par téléphone, c'est beaucoup trop compliqué. Vous allez mieux ?»« Oui, merci, patron, ça peut aller. » Je peux venir vous voir? Comme ça, je ferai connaissance de votre petit nid. Alors, 15h cet après-midi, au quai. Une fois assis dans le canapé de Pérez, en guise de préambule, Volpi lui servit une de ces remarques aigres douces dont il avait le secret. Je suis vraiment désolé pour vous, capitaine, mais il est tout de même heureux que vous n'ayez pas été gorgé en même temps que votre amant. Le tueur a, semble-t-il, fait preuve d'une grande mansuétude. Oui, c'est ce que je me suis dit, patron, après coup. Cette enquête réserve encore des zones d'ombre que je vais essayer d'analyser avec vous, si vous le voulez bien, à moins que vous ne soyez pas en état. Allez-y, je vous écoute. Ça y est, se dit Pérez, c'est parti pour un tour. Il va encore faire du mal aux mouches, mais d'un autre côté, ça va me changer les idées. Je me suis intéressé aux billets trouvés chez la vieille Martha, dans la ferme derrière, puis Ricard. Ces billets laissaient supposer qu'ils provenaient tous d'un seul et même versement ou d'un retrait effectué par quelqu'un. Dans les affaires de Pedicini, on n'a pas trouvé de carnet de chèque, ni aucun courrier, pouvant nous indiquer sa domiciliation bancaire. Il n'en avait peut-être pas, d'ailleurs. Je suis donc parti de l'hypothèse que ces billets étaient de l'argent qu'on avait donné à Pedicini de la main à la main. Qui avait donc pu lui filer tout ce fric? Sa vengeance était personnelle, et il aurait été logique qu'il en donne du fric pour parvenir à ses fins, au lieu d'en recevoir, non? Oui, dans le fond, c'est vrai. Vous vous souvenez que nous avons passé au crible les comptes d'Anzilouti et de Canepparo? Pas de gros retraits correspondant à la somme trouvée. J'ai donc demandé à voir les comptes bancaires d'Anna. Rien non plus sur ces comptes. J'ai élargi le cercle et suis passé aux proches des victimes. J'ai fouillé les comptes de Berthier, l'ingénieur principal de l'entreprise Anzilouti et Canepparo, le 3e homme de la boîte, leur fondé de pouvoir en quelque sorte. Chance? J'ai relevé plusieurs retraits importants en liquide, sur une période d'une dizaine de jours, dont un correspondant exactement à la somme trouvée chez Pedicini. Ah bon? Pas plus futé que ça? Mais non, Pérez, qu'est-ce que vous croyez? Prenez l'habitude de penser que les autres ne sont pas plus intelligents que nous. Allez, patron, vous avez mérité un whisky. Pérez servit de rasa de Glenfiddich et Volpi continua son exposé en faisant tourner les glaçons. De fil en aiguille, j'ai également demandé à voir les relevés de compte de Nadine Anzilouti, autre protagoniste de l'affaire. J'ai trouvé des virements de fonds sur un compte d'une banque italienne au nom de, devinez, Paolo Gaffaro. Vous vous souvenez? Gaffaro est le nom de jeune fille d'Anna, l'ex-femme d'Anzilouti, et Paolo est son frère. De très grosses sommes. Pendant que j'y étais, autant continuer. Alors j'ai demandé à étudier les comptes de l'épouse de Berthier, riche héritière lyonnaise. Eh bien, j'y ai trouvé aussi des virements très importants, en faveur du même Paolo Gaffaro. Là, pour le coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Normal, non? Continuez, patron. Alors j'ai interrogé le nommé Paolo, qui est toujours à Aix avec son épouse, en attendant que la succession d'Anna soit réglée. Il n'a pas fait mystère de ses virements. Ils sont destinés à payer l'achat des parts de l'entreprise qui leur reviennent par héritage. Vous me suivez, capitaine? À peu près, patron. Mais moi, vous savez les chiffres. Donnez-moi une feuille et un crayon, Pérez. Je vais vous faire un schéma pour vous montrer comment ils avaient monté leur combine. Il était rare que Volpi prenne le temps d'autant préciser les choses auprès de ses subordonnés. Soit ils comprenaient tout de suite, soit ils allaient se faire boire. Regardez, imaginez que l'affaire représente 100 parts. Avant les drames, Anzi avait 40 parts, Canepparo 40 également, et Anna 20 seulement. Vous voyez le partage? Après la mort d'Anzilouti, d'après son testament, Anna a hérité de la moitié des parts de son ex-mari, soit 20 de plus. et Nadine est entrée dans le capital avec 20 parts également. Voilà, regardez. Donc, après la mort d'Anzilouti, Caneparo avait toujours 40 parts. Anna 40 et Nadine 20. Nouveau dessin. Anna décède, son frère, donc son héritier, entre dans la société à la place d'Anna. Mais reste encore Caneparo dans l'affaire. Là, il faut savoir que dans les statuts de la société, il est prévu que si un associé disparaît sans héritier, ses parts vont à égalité aux associés restants. Lorsque Caneparo décède, sans héritier, Nadine reçoit 20 parts et le frère d'Anna les 20 autres. Le frère possède ainsi 60 parts et Nadine 40. Or, le frère n'y entrave que dalle et n'a qu'une hâte, celle de retourner en Italie pour profiter de son pognon avec sa femme. Berthier et Nadine lui font une offre de rachat qui lui paraît mirobolante et qu'il accepte. Mais cela ne représente même pas le quart de la valeur réelle. Le couple Berthier-Nadine possède alors la totalité de l'entreprise. Et alors ? Demanda Michel de Soufflecourt. Et alors ? Berthier, lui, connaît la valeur réelle de cette affaire. Ils comptent vendre la boîte et aller se planquer au soleil pour dépenser leur fortune et vivre leur amour. Génial, non ? Pérez garda le silence pendant un moment, puis réagit. Oula, vous allez vite en besogne, patron. Et Pellicini dans tout ça. Nous reparlerons de Pellicini plus tard. J'ai poussé Pronzati dans ses derniers retranchements. Et je suis sûr de ne pas me tromper. Je vais vous expliquer le vrai fond de l'affaire. Mais avant, une petite lichette encore, fit-il en tendant son verre. Lorsqu'il est arrivé en France, guidé par Pronzati, Pellicini s'est rendu à l'usine d'Anzilouti et de Caneparo. C'est là qu'il pouvait les rencontrer tous les deux. Inutile de dire qu'il était remonté. Mais ils étaient absents et c'est Berthier qui l'a reçu. Il l'a fait parler Pellicini, l'a fait boire et a tout de suite compris le parti qu'il pouvait tirer d'un tueur comme lui. Il lui a proposé de l'aider non seulement à récupérer son pognon, mais aussi à en gagner beaucoup plus s'il faisait ce qu'on lui demandait. Nadine était déjà la maîtresse de Berthier. Il l'a briefée et elle est devenue sa complice dans cette affaire macabre. Mais tout cela, ce sont des suppositions, patron. Que non ! Je vous dis que ce ne sont plus des hypothèses, cette fois. Pronzati était parfaitement au courant et faisait partie de la combine. Il s'est allongé complètement. Je vais vous expliquer l'affaire telle qu'elle était réellement prévue et comment elle s'est déroulée finalement. Le plan était audacieux mais faisable. Au départ, il était prévu d'assassiner Anna en premier. Ainsi, ses 20 parts allaient à son frère. Nadine pouvait aisément les racheter et entrer dans l'entreprise avec 20 parts. Puis ils assassinaient Caneparo. Comme je vous l'ai dit, d'après les statuts, ses parts allaient pour moitié entre Anzilouti et Nadine. Anzi devenait actionnaire à 60% et Nadine à 40%. Enfin, il faisait dégrouper Anzilouti dont Nadine héritait seule. Elle possédait alors la totalité de l'entreprise en ayant seulement acheté les 20 parts du frère d'Anna à bas prix. À chaque meurtre, Pellicini touchait gros. C'était un plan parfait, mais qui nous aurait rapidement éclairé sur l'immobile. Nous aurions certainement subodoré l'embrouille avant la fin. Oui, là je comprends, patron. L'immobile nous aurait crevé les yeux. Mais c'est pour nous enfumer qu'ils ont changé leur plan, même pas. Cet abruti de Berthier se prenait pour Machiavel. Mais il avait mal jugé la personnalité de Pellicini. C'était un barge complet, ce Rital, et il n'en fait qu'à sa tête, vous allez voir. Il a commencé par Anzilouti. C'était son idée. Puis l'a descendu Anna au feeling, semble-t-il, sans grande conviction. Elle ne lui avait rien fait. Et après, il ne lui restait plus que Caneparo, qui l'a assassiné à la mode orientale. Désolé pour vous. Berthier, Nadine et surtout Pronzati ont été incapables de le maîtriser. Il leur glissait entre les doigts, comme à nous. Exact. Quand on manipule de la dynamite, il faut s'attendre à ce que ça pète. Et à chaque fois, il leur fallait cracher au bassinet, sinon Pellicini menaçait de s'en prendre à eux. Ils ont donc dû improviser au fur et à mesure. Pronzati, mis dans la combine, fournit l'arme de Caneparo à Pellicini pour descendre Anzilouti. Ils décidèrent de faire porter le chapeau à Caneparo. Après tout, les improvisations de Pellicini pouvaient être exploitées. Ce jour-là, Pronzati, Berthier et Nadine avaient des alibis en béton, sauf Caneparo, bien entendu. Au passage, la femme de ménage de Nadine ne vient jamais l'après-midi, habituellement. Or, ce jour-là, exceptionnellement, elle était présente. Tout était organisé pour que les soupçons portent sur Caneparo. Mais le crime parfait est difficile. Les comparses ne pouvaient prévoir que Pellicini, ce con, laisserait les traces de son rhume sur le fusil. Ah oui, le mucus. Exact. La cata totale. Ils ont senti qu'il y avait eu une paille dans le circuit, grâce à une fuite de chez nous probablement. Mais il était trop tard pour tout arrêter avec un Pedicini incontrôlable. Nouveau manque de bol, Anna s'est défendue sauvagement et Pedicini a laissé son ADN sous les ongles de sa victime. Berti conclut que toute la responsabilité des meurtres reposerait sur Pedicini dont le passé fournissait tous les mobiles possibles. Il fallait fournir le coupable à la justice pour stopper les poursuites. Le coupable, oui, mais mort, bien entendu. Bah, évidemment. Au dernier moment, Pronzati devait se débarrasser du tueur sous l'excuse de la légitime défense. Et c'est ce qui s'est passé. Sachant qu'il ne pouvait rentrer dans la villa sans être vu de vos hommes, Pedicini, sous les conseils de Pronzati, a attiré l'attention de Canepparo sur le parking de l'entreprise et s'est glissé dans son véhicule. Arrivé à la villa, il a attendu le moment propice et s'est faufilé chez Pronzati. Mais Pronzati n'avait plus les clés de chez Canepparo. Et les doubles, c'est pas fait pour les chiens. Vers 4 heures du matin, Pronzati lui a ouvert la porte de Canepparo et l'a suivi à quelques mètres. Votre présence justifiait l'option de l'égorgement silencieux. Vous connaissez la suite, puisque malheureusement, vous l'avez vécu. Toute proportion gardée, Canepparo était un brave type. Pérez avait la tête qui lui tournait légèrement. Elle comprit que de tels raisonnements, de telles déductions ne pouvaient être élaborées sur le terrain, dans le feu de l'action. Chacun avait sa place dans la mécanique policière et Volpi, à sa façon, continuait à jouer son rôle et à apporter sa contribution efficace à cette grande machine. C'est vrai qu'il avait une imagination fertile, qui lui permettait d'explorer une foule de pistes. Mais à quelle vitesse, nom de Dieu! Devant la mine complètement décomposée du capitaine, Volpi se sentit obligé de lui venir en aide. « Qu'est-ce qui vous arrive, Pérez ?» Pérez secoua la tête comme une victime de catastrophe. « Je suis en dessous de tout. Jamais je n'arriverai à... »« Mais pourquoi dites-vous ça ?»« Vous avez mené l'enquête rondement, jusqu'à ce que Canepparo se fasse refroidir, malheureusement. »« Vous n'avez pas pu exploiter les éléments des derniers jours. C'est ce que j'ai fait, c'est tout. » Vous éprouvez souvent ce sentiment d'échec? À chaque fois. Même lorsque vous réussissez? Oui. Au début, je suis satisfaite pendant quelques minutes ou quelques heures, et après, je me dis que j'y suis arrivée, mais que ce n'était pas bien difficile, que n'importe qui aurait réussi. Et vous pensez que le résultat est là, mais que, pour l'art et la manière, on aurait pu faire beaucoup mieux? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et finalement, la réussite se transforme en un acte manqué avec un sentiment de culpabilité, c'est ça. Elle le regarda dans les yeux et découvrit un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle était étonnée et déstabilisée que Volpi la psychanalysa aussi facilement, avec autant de rapidité et de désinvolture. « Mais comment vous ? Bienvenue au club, capitaine Pérez. J'avais subodoré depuis quelques mois que vous étiez sujette à, disons, ce genre de troubles. Ça ne vous guérira pas, mais ça peut vous consoler de savoir que je suis comme vous. » « Vous, patron, c'est pas possible. » « Eh oui, moi, j'ai toujours été comme ça. Depuis tout petit, j'ai eu beau tourner le problème en long et en large, je n'ai jamais trouvé d'où me venait ce sentiment. Ça vaut la coupe, hein? Mais vous avez réussi votre carrière, votre vie, enfin tout, quoi, et vous n'êtes pas satisfait. Si, satisfait, je le suis. Mais je me dis qu'un autre l'aurait fait avec plus de panache, plus de rectitude. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir bricolé, d'avoir fait semblant. C'est difficile à expliquer. Eh ben moi qui croyais qu'il y avait un monde entre vous et moi. Eh non, vous voyez, Michel, nous sommes dans la même galère. Il fallait bien que quelque chose nous rapproche. Allez, reposez-vous, et ne nous torturez plus la cervelle. En l'absence de Pérez, Fabregue et Saint-Esse menèrent les interrogatoires supervisés par Volpi. Berthier, Nadine et Pronzati furent mis tous les trois en garde à vue. Berthier se déballonna assez rapidement, peu habitué au contact avec la police et enfoncé par les révélations de Pronzati. On trouva également des secrétaires qui témoignèrent des contacts fréquents de Berti avec Pedicini en l'absence de Canepparo. Quant à Nadine, l'idée de mentir ne lui vint même pas. Sentant bien qu'on découvrirait que Pedicini était venu chez elle pour prendre le revolver, elle avait inventé cette histoire de curé. Pedicini et Victor n'avaient rien emporté de chez elle, hormis le revolver. Volpi finit par savoir que l'homme à mobilette du chemin des Saint-Pères était bien Pedicini, et la Porsche était celle de Berthier. Le jour où ils s'étaient rendus en repérage au chemin, les complices avaient justement une réunion ce jour-là, et c'est Berthier, et non Pedicini, qui avait écrit le mot et l'avait glissé sur le pare-brise. Sentant la situation lui échapper, un petit indice à l'attention des enquêteurs lui paraissait judicieux. Finalement, avec le recul, ils apparaissaient tous les trois comme des petits joueurs. Berthier ingénieux, comme un ingénieur, mais très bidouilleur en matière de crime, et surtout peu habitué à manipuler des tueurs. Nadine, belle mais un peu nunuche. Pronzati, finalement, était le plus pragmatique des trois. Ils furent déférés devant le jeune juge, qui devait désormais jongler avec le droit des sociétés, le droit successoral et surtout éviter les coups de griffe de Maître C, un ténor des barreaux parisiens et marseillais, que l'épouse de Berthier avait offert au couple adultère malgré son cocufiage. Mais la fortune doit savoir passer au-dessus de la rancune et du qu'en dira-t-on. En revanche, Madame Berthier avait pris un autre ténor pour son divorce. Elle avait également fait des propositions pour prendre l'entreprise et cachait même derrière son dos, doux euphémisme, un nouveau et fringant directeur. On dit que dans chaque homme sommeille un cochon, mais dans chaque femme sommeille une garce, se disait Volpi. Avant de reprendre le boulot, Pérez allait voir Jejiga qu'elle n'avait eu jusque-là qu'au téléphone. Elle la trouva assise sur son lit, la tête enturbanée baissée vers l'avant, immobile. Jejiga la suivit des yeux seulement. « Alors ?» demanda la malade, sans tourner la tête. « Alors, c'est à toi qu'il faut demander ça, » répondit Pérez. « Eh bien, tu ne vois pas, regarde ma gueule. » Pérez vit en effet que le visage de Jejiga avait perdu sa symétrie, un œil pendait légèrement. « Ils m'ont bousillé un nerf facial, ces cons. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pu faire autrement. Ah, si j'avais su, » murmura-t-elle. Pérez n'eut aucun mal à continuer mentalement la phrase du lieutenant. L'infirmière qui était venue changer la perf vint à la rescousse. « Ils vont réparer le geste, mademoiselle Moussaoui. Et puis ça va revenir avec la kiné, on vous l'a dit. Il faut garder espoir. »« L'espoir, » dit Jejiga avec infiniment de dépit dans la voix. « Mais oui, l'espoir, il y en a dans chaque chambre ici, à chaque étage. L'hôpital, c'est plein d'espoir. Il n'y a que ça ici, l'espoir. » « Et la mort, » murmura-t-elle pour elle-même. L'infirmière partie, Jejiga ajouta. « Je la foutrais, moi, de l'espoir. » Puis elle reprit. « Tu sais, la morphine, au lieu de m'en suquer, ça m'a boosté les neurones. » J'ai réfléchi. C'est Berthier qui tire les ficelles. Les autres ne sont que des marionnettes. « Eh bien, tu ne t'es pas trompé. » « En tout cas, tu n'as pas perdu de neurones, c'est déjà ça. » Pérez comprenait que pour Jejiga, comme pour elle-même, le travail était la vraie thérapie salvatrice. Puisqu'elle était dans les visites d'hôpitaux, elle se rendit à l'hôpital Nord et alla voir son ex, à qui on avait enlevé un lobe pulmonaire. Malgré ses drains et ses perfusions, il trouva le moyen de lui sourire. « Ça va, je suis tiré d'affaire. Je suis tellement content que tu sois venu. Tu sais, j'ai réfléchi. Moi aussi, j'ai réfléchi. J'ai jamais pu m'y prendre avec toi, Michel. Maintenant, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu as compris ? Qu'il fallait que je te laisse vivre et que je profite des bons moments passés avec toi, sans chercher autre chose. Moi aussi. » J'ai compris que je devais te considérer autrement que comme un meuble de la maison. Quoi qu'un meuble, tu sais, c'est utile. Tu reviendras me voir ? Pour toute réponse, elle l'embrassa sur le front et lui murmura. À partir de maintenant, je m'occupe de toi. Promis. Quand tu sortiras, on fera une bombe à tout casser, mon chéri. En remontant à Aix, sur l'autoroute, dès le radar de Saint-Antoine franchi, elle appuya sur le champignon. Il lui tardait de retrouver ses collègues, sa seule famille en fait, ses hommes et ses femmes qui travaillaient pour elle et pour qui elle travaillait. Car finalement, c'est bien pour être avec eux qu'elle remplissait sa fonction. Il n'y avait qu'au milieu d'eux qu'elle pourrait oublier sa story criminale et se sentir exister de nouveau. Finalement, elle se réjouissait de retrouver Volpi, qu'elle avait enfin apprécié et mis à sa juste place, dans sa tête comme dans son cœur. Quant à Volpi, même s'il éprouvait maintenant de la sympathie pour Pérez, il lui tardait de retrouver son fidèle Gargan, victime de la bien-pensance, et qui tentait de faire monter le taux d'élucidation avec les moyens dont il disposait, consciencieusement, sans permettre toutefois qu'on le prît pour une crevure. Voilà. Vous connaissez maintenant ma storia criminale. Le rédacteur a respecté les faits, mais j'ai dû lui faire supprimer certains passages, notamment ceux dans lesquels il m'attribuait tout le mérite de l'enquête, croyant me faire plaisir. Or, je tenais à ce que le travail consciencieux et efficace de mes deux nouvelles équipières soit reconnue et rapportée. Il a lissé aussi certains aspects de mon comportement, me faisant presque parler pointu, et employant un langage châtié, moi qui m'exprime souvent comme un chapacan des quartiers nord. J'espère que le lecteur fidèle n'aura pas été dérouté. Il y a en revanche une chose que le rédacteur ne vous a pas racontée. Lorsque Jedjega était guéri, j'ai invité mon équipe rapprochée à la maison. Si mon petit lieutenant Moussaoui ressemblait encore à un oiseau tombé du nid, Pérez, elle, était rayonnante dans sa quarantaine épanouie. On aurait dit qu'elle avait décidé de croiser le fer avec mon épouse. D'emblée, je vis l'œil de Gilda s'enflammer. Toutefois, mon épouse fut pleine de prévenance pour les deux femmes de l'équipe. À la fin du repas, alors que nous étions tous deux dans la cuisine, Gilda et moi, pour couper la bûche glacée, elle me fit d'un ton qui ne supportait pas la désobéissance. « Viens un peu ici, toi. » Elle brandit sous mon nez le grand couteau à lame crantée dont elle se servait. « Fais attention, belle-le, avec cette Michel. Je te connais. Si j'apprends quelque chose. » Et elle fit un moulinet avec le couteau, ses yeux lançant des flammes. Je pris très au sérieux son avertissement, car après tout, elle était bien capable de s'en servir une nouvelle fois. Ainsi s'achève Le crime des Saints-Pères, une enquête du commissaire Volpi, par Jean Darrigue.